Jazz Time, présenté par Gérard. En peinture comme en musique, j'ai une énorme humilité quant à l'importance de nos activités. En musique, il faut rester à sa place. J'essaye d'arriver par la porte par laquelle on ne pense pas que je vais arriver. Un orchestre, c'est comme un plat cuisiné, organisé par plusieurs fonctions. La batterie peut être acidulée, elle ne doit pas être perturbatrice. Il faut trouver sa place. L'ajout d'un son doit permettre d'ouvrir le prisme des couleurs de l'orchestre. Quand je joue de la musique, je joue pour d'autres artistes qui sont sur scène avec moi. Dans la musique, le musicien est toujours en représentation. Ainsi s'exprime le batteur Daniel Humer, né à Genève en 1938 et qui, à l'âge de 6 ou 7 ans, débute comme apprenti tambour dans une fanfare. Mais les dirigeants ne le trouvent pas performant, alors on le met à la clarinette, puis au hautbois. Mais tout le monde ayant jugé qu'il ne s'était pas du tout donné pour la musique, on lui confiera plus d'autres instruments. Mais en grandissant, Daniel Humer devient plus sensible à la musique, une musique populaire et qu'il entend dans un disque du clarinette Mesmero, Royal Garden Blues, attrapant du coup le virus du jazz et de la batterie. Thank you. Royal Jordan Blues, l'orchestre de Mesmero, une musique qu'a découvert Daniel Humer et qui lui a fait une ouverture en quelque sorte vers la musique de jazz. Et très vite, Daniel Humer deviendra batteur et à 17 ans, il rafle des prix au Festival de Jazz de Zurich. Il joue avec des musiciens de haut niveau, les saxophonistes Don Byas, Guy Lafitte, le violoniste Stéphane Grappelli, et à 18 ans, il décide de quitter la maison, il part en Suède et revient pour l'exposition universelle de Bruxelles en 1958. La réputation aidant, Daniel Humer vient à Paris. Il travaille au Club Saint-Germain, rue Saint-Benoît, avec le saxophoniste Barney Whelan, le pianiste René Urtreger, Martial Solal, et des musiciens américains de passage, le Keith Thompson au saxophone, le trompettiste Kenny Dorham, Bud Powell au piano, le contrebassiste Oscar Pettiford, Eric Dolphy au saxophone et même Chet Baker. On est en 1959, Daniel Humer a un peu plus de 20 ans. Le voici au Club Saint-Germain avec l'orchestre de Barney Whelan. Le thème Stablemates, la formation de Barney Whelan au saxophone ténor et à la batterie Daniel Humer. Daniel Humer va participer quelque temps à la formation du vibraphoniste Michel Auxerre qui officie au club Le Chat qui pêche à Paris. Et il va faire partie en 1959 et jusqu'en 1965 du trio du pianiste Martial Solal accompagné du contrebassiste Guy Pedersen. Avec Martial Solal, Daniel Humer va entrer dans un univers particulier fait de brisures rythmiques, de chocs de tempo que le pianiste exprime dans ses termes. Je crois que la musique de jazz a besoin d'une architecture, ce dont elle s'est passée jusqu'à présent, surtout dans le domaine de la petite formation. Cette architecture permet de créer des climats musicaux différents, cela correspond pour moi à un besoin et non pas à un système. Quant à Daniel Humer, à propos de son arrivée dans le trio de Martial Solal, il précisera « Cette façon de jouer était complètement différente des trios de l'époque. Époque où la section rythmique avait une fonction rythmique et non pas une fonction mélodique. Grâce à Martial Solal, j'ai pu développer une espèce de vocabulaire de batteur qui était autre. Parmi les enregistrements du trio de Martial Solal avec Daniel Humer, celui-ci est réalisé Salle Gaveau le 3 mai 1962. C'est une référence. Le trio de Martial Solal avec Daniel Humer à la batterie, Yves Pedersen à la contrebasse, le thème, le jeu de mots habituel de Martial Solal. Avertissez-moi, c'est un enregistrement qui date de mai 1962, Salle Gaveau. Tout en faisant partie du trio de Martial Solal, Daniel Humer constitue sa propre formation qu'il appelle un soul-tet, un sextet qui se produit de manière régulière en matinée au club Le Chat qui pêche à Paris. Avec ce groupe, il enregistre en 1961 le thème de référence à la pièce French Connection, voici Overdose. Le groupe formé dans les années 60, au début des années 60 par Daniel Humer, un groupe qui est composé de Guy Pedersen à la contrebasse, Sonny Gray à la trompette, Louis Fentes trombone, Eddie Lewis est au piano, pas encore à l'orgue, Jean-Louis Chautant saxophone, et l'arrangement est signé René Treiger, qui ne fait pourtant pas partie de l'orchestre. Ayant des dons pour le dessin dès l'enfance, Daniel Humer ne s'y intéressera plus dès qu'il aura acquis une certaine notoriété comme musicien de jazz. Pourtant, un jour, après la visite d'un atelier d'artistes, il décide de reprendre le dessin, passant des crayons de couleur à la peinture et trouvant son équilibre entre musique d'un côté, peinture de l'autre, et une grande curiosité pour les œuvres d'artistes peintres du XXe siècle. Ce qui, dit-il, raconte une histoire. Ajoutant « il n'y a pas de frontière de style » et il ajoute « dans les années 63-64, je suis allé chercher dans la peinture une nécessaire autre source d'inspiration, surtout lorsque sa vie en la passe sur la route ». Sur son art, ce qui importe à Daniel Humer, c'est la mise en place des formes et la tension que provoquent les formes dans l'espace. Mise en place, tension, équilibre des propositions, trois points communs pour lui entre le jazz et la peinture. Dans le jazz, précise Daniel Humer, on simplifie de plus en plus, on vire l'occasion. En peinture, il faut peindre juste plutôt que bien. Peindre, et côté musique, non seulement Daniel Humer joue dans le trio de Martial Solal et anime sa propre formation, mais il participe à différents groupes et va faire partie avec le pianiste René Treiger, Pierre Michelot, contrebasse, d'un trio désigné par les trois lettres H-U-M, U. Eh bien, H, c'est Humer, U, Urtreger, M, Michelot, les trois initiales de leur patronyme, et ce trio va d'abord enregistrer au Club Saint-Germain en 1960, mais il récidivera plus tard à deux reprises en studio pour deux albums, l'un en 79, l'autre en 99, avec chaque fois presque 20 ans d'intervalle. Voici une plage de la session de 1960 par le trio Humer, Urtreger, Michelot. Le thème interprété par le trio Hummer, Urtreger, Michelot, H.U.M. c'était Just One of the Things. Même s'il n'est pas une exception parmi les batteurs, Daniel Hummer est gaucher et il est doué d'une grande virtuosité que l'on définit parfois comme une gestuelle graphique, c'est-à-dire une manière particulière de fouetter les cymbales, de placer des roulements sur la caisse claire avec une énergie maîtrisée. Les attitudes que l'on imagine aussi déjà chez Daniel Hummer, le peintre, lorsqu'il est face à une toile et qu'il dessine des triangles, des trapèzes, qui peuple ses œuvres et qui s'associe rythme et matière. Pour Alain Gerber, Daniel Hummer est un peintre sonore, un frappeur d'images. Mais Daniel Hummer aime préciser qu'il n'écoute pas de musique en peignant car il ne veut pas subir un autre rythme. En musique, confie Daniel Hummer, mon problème numéro un, c'est de ne pas pouvoir me reprendre, me relire. Je fais de l'instantané. Une possibilité de modification, ça n'est pas possible. La peinture me permet d'approfondir et de montrer ce que je juge achevé. Lorsque les événements de mai 68 vont se produire à Paris, Daniel Hummer est plus que jamais en activité. Il joue en club avec Jean-Luc Ponty, avec Eddie Lewis, au club Le Caméléon. Et il est appelé par le saxophoniste Phil Woods à faire partie de l'European Rhythm Machine. Comme d'autres musiciens, Daniel Hummer a fait des expériences free pendant les événements de 68, mais il dit-il sans conviction. Pour lui, free jazz, ça ne veut rien dire. Louis Armstrong était aussi libre qu'Albert Heller. Eh bien, on revient à ce trio Hummer-Louis Ponty, So What? Le trio constitué par le violoniste Jean-Luc Ponty, Daniel Hummer est à la batterie et Louis à l'orgue, c'était le thème So What, revu et un peu corrigé quand même par ces trois musiciens. Daniel Hummer se retrouvera, je le disais tout à l'heure, dans la formation de Phil Woods, le European Rhythm Machine, avec George Grunz au piano, Henri Texier à la contrebasse et donc Daniel Hummer à la batterie. Ils interprètent le thème d'Oliver Nelson, Stolen Moments. Thank you. La formation European Rhythm Machine du saxophoniste alto Phil Woods, avec évidemment Daniel Humer à la batterie, et puis également Gordon Beck au piano et Henri Texier à la contrebasse. L'année suivante, en 1969, à l'initiative de l'historien allemand du jazz et producteur Joachim Behrendt, Daniel Humer va rencontrer le guitariste américain Jim Hall avec le contrebassiste Jimmy Wood. À l'époque, Humer considère que Jim Hall est le plus grand guitariste vivant, mais que c'est un musicien peu connu, car on cite toujours Kenny Burrell ou George Benson. Cette rencontre Humer-Jim Hall fera l'objet d'un enregistrement sous le nom de Jim Hall. Voici « It's nice to be with you ». Thank you. Le guitariste Jim Hall avec Daniel Humer à la batterie et Jimmy Wood à la contrebasse, le thème « It's nice to be with you ». Daniel Humer aura l'occasion de rencontrer beaucoup d'autres jazzmen américains. Par exemple, il sera au festival d'Antibes Jean Lépin avec le saxophoniste alto Lee Konitz, Marial Solal et Nils Henning Oster Peterson en 1974, comme il était 3 ans plus tôt avec le saxophoniste baryton Jeremy Ligan au festival de Château-Vallon, en compagnie de ses amis Gordon Beck et Ron Mathewson, contrebasse. Ils sont ensemble pour jouer une composition qui faisait déjà partie du répertoire du quartet de Mulligan 20 ans plus tôt, lorsque celui-ci vint à Paris. Voici Walking Shoes. Thank you. Daniel Humer à la batterie, Gordon Beck au piano, Ron Mathewson à la contrebasse et au saxophone baryton Jerry Mulligan. Ces musiciens étaient au festival de Château-Vallon, une rencontre très intéressante aussi pour Daniel Humer et le thème Walking Shoes. Daniel Humer collabora aussi avec ses homologues jazzmen français, le saxophoniste François Janot, bien entendu le contrebassiste Henri Texier, faisant partie aussi des units du clarinettiste Michel Portal, avec lequel il enregistra ce duo composé et qui a pour titre Pressing à deux. La libre improvisation entre le clarinettiste clarinette basse Michel Portal et le batteur Daniel Humer. Une composition qui avait pour titre Pressing à deux, un dialogue tout à fait original. Mais c'est avec le pianiste Joachim Kuhn et le contrebassiste Jean-François Ginet-Clark que Daniel Humer va réaliser plusieurs albums, toujours en trio, une formule qu'il affectionne au même titre que les quartettes ou les quintettes, dans lesquels il peut être sideman ou leader. Cette collaboration sera régulière et durable, mais elle sera au bout de quelques années endeuillée par la disparition du contrebassiste Jean-François Ginet-Clark. Cette entente entre les trois musiciens s'exprime dans le titre d'un album de ce trio en 1997, Triple Entente. Voici une composition signée Joachim Kuhn et dédiée à Ornette Coleman. Eh bien, c'est Ornette. ¶¶ Daniel Humer dans ses œuvres et dans le trio qu'il avait constitué avec au piano Joachim Kühn à la contrebasse, Jean-François Giné-Clark. À l'aube des années 2000, après plus de 40 ans passés au service du jazz et de la peinture, Daniel Humer n'a jamais songé à poser ses baguettes. Bien au contraire, il fait appel à de nouveaux compagnons de jeu, toujours en petite formation, et il publiera l'album Liberté surveillée, en compagnie du guitariste Marc Ducret, Bruno Chevillon contrebasse et au saxophone Elri Eskelin. Un enregistrement réalisé en public au Centre culturel suisse en 2001, car parfois on se souvient que Daniel Humer est né à Genève. Triple Hip Trip. Daniel Humer aura aussi l'occasion de retrouver des jeunes musiciens qui ont été ses élèves au Conservatoire supérieur de musique de Paris. Il va poursuivre avec eux une nouvelle étape de son parcours en 2003. Ce sera l'album Baby Boom avec Mathieu Donario, saxophone ténor et soprano, Manu Kodjé, guitare, Christophe Monio, baryton, alto et soprano et Sébastien Boisseau à la contrebasse. Ce sont eux qui ont écrit la majeure partie du répertoire et à l'exception de ce thème signé Joachim Kühn, voici Para. Thank you. Toutes ces réalisations de Daniel Humer ne l'empêchent pas de retrouver ses amis de longue date. On en a parlé tout à l'heure, Michel Portal, Joachim Kühn, avec lesquels il se produit ou leur emprunte des compositions. Daniel Humer continue à délimiter son territoire parmi la jazzosphère hexagonale et de montrer qu'il reste un grand mélodiste à la batterie. Poursuivant ses découvertes de jeunes talents, Daniel Humer ne pouvait ignorer des musiciens qui vont faire un bout de chemin avec lui tout en s'imposant personnellement dans leur approche originale de la musique de jazz. Ainsi, le saxophoniste soprano Émile Parisien, l'accordéoniste Vincent Perani, avec eux et également avec Jérôme Regard contrebasse, Daniel Humer fera des tournées de concerts et enregistrera en 2012 l'album Sweet and Sour, doux et aigre. Daniel Humer, le peintre, n'a jamais été favorisé par sa notoriété de musicien de jazz, ce qui n'a pas émoussé son goût de l'art et de la peinture. Récemment, il a publié un album qui a pour titre « Modern Art » qu'il présente comme une invitation à la découverte des correspondances, des parallèles, des rencontres avec les peintres du XXe siècle. Daniel Humer propose des compositions musicales écrites en regard d'œuvres qu'il a choisies. Ainsi, l'album permet, avec le voisinage des œuvres reproduites et avec l'écoute des plages instrumentales, d'aller plus loin et de se balader en quelque sorte « trans-art » selon Daniel Humer. Pour la partie musicale, il a choisi le concours du contrebassiste Stéphane Kéréki et le saxophoniste Vincent Likang. Voici un extrait de l'album Modern Art dédié au peintre Klein. On peut rappeler qu'outre des expositions dans des galeries parisiennes et même au musée d'art moderne de la ville de Paris en 78, Daniel Humer a eu une rétrospective 1970-2009 à Soissons, et c'est-à-dire 30 années de musicien peintre ou de peintre musicien, c'est selon. Également parution en 2010 d'un fort volume consacré aux œuvres pictorales de Daniel Humer sous le titre « Le jeu incessant de Daniel Humer » avec un CD en bonus avec de courtes pièces interprétées en solo ou avec Tony Malaby et Bruno Chevillon. Une musique qui accompagne la fin de ce numéro de Jazz Time dédié au batteur Daniel Humer à l'occasion de son anniversaire. Daniel Humer est né en 1938. Merci à Quentin qui a assuré la réalisation de ce numéro spécial de Jazz Time. Je vous retrouve quant à moi dans une semaine pour un autre rendez-vous avec le jazz. Au revoir.